Florina. Toute la semaine et même quand les feriés, mon pantalon il dit que moi la sensé. Tous les jours, il décline ma bourreau. Tous les jours, Rina. Moi pas rassasié, moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute la vie comme ma sera jamais assez, non. Moi pas rassasié, moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute la vie comme ma sera jamais assez, non. Avec les misantes et mirantes la semaine prochaine. M'y vive d'amour et de frais chèques, son pote, y'a pas de problème. Comme il déboule ensemble, ici, un réel phénomène. Dans le confort, il met à moins bien et ses amis. Il donne à lui ses clés de main, boum boum boum, et sans clé à temps. Physique, physical, love, physical. Comme mon te fier maman, il répond à la demande, il ne fait pas prier à temps. Physique, physical, love, physical. Moi, pas rassasié, moi, pas rassasié, non. Moi, pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. Moi, pas rassasié, moi, pas rassasié, non. Moi, pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. My darling, chérie, pour calme, moi, dans le remède. Tous les mois, mon anniversaire, nous, ça va, Club Med. Mille et un petit souhait, quand il refait mon bandred. Moi, capable, vivre vie comme ça, jusqu'à comme il dead. Moi, pas rassasié, moi, pas rassasié, non. Moi, pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. Moi, pas rassasié. Moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. Car fin là, il donne à moi envie de mailler. Il donne à moi envie de t'essayer. Tous les jours, il a. Toute la semaine et même quand les férié. Mon pantalon, il dit que moi la sensé. Tous les jours, il décline ma bourreau. Tous les jours, il a.